tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché continue de bloquer le prix des fruits et légumes de saison, comme la barquette d'un kilo de kiwi vert origine France à seulement 2,49€. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, variété Hayward, calibre 65-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Près de 60 ans après la première greffe de main, les chercheurs continuent de s'interroger sur les liens entre le cerveau et la main. Comment le cerveau se réorganise-t-il après une greffe de ce type? On vous dit tout dans l'heure qui vient. Il y a quelques mois, on annonçait la découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Si cette découverte a été relativisée et même récemment contestée, elle nous donne l'occasion de nous pencher sur l'un des sujets les plus passionnants qui soient, les origines du vivant. Et enfin, avez-vous déjà pensé recevoir un email envoyé par des épinards? Si la réponse est non, c'est plutôt normal, mais ça pourrait changer. Les végétaux cyborgs ne sont plus de la science-fiction, ils sont au cœur d'un champ de recherche de plus en plus actif, la recherche en nanobiotics. Greffe de main et cerveau, origine du vivant et nanobiotics, c'est le programme foisonnant de notre table ronde actualité. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous en studio Cécile Lestienne. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes directrice de la rédaction de Pour la Science. Avec nous également Philippe Pageot, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef du magazine La Recherche. Et enfin Patrick Beau, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes vidéaste et créateur de la chaîne YouTube Axolot. Mais avant d'entamer ce tour d'horizon de l'actualité scientifique, il est temps de retrouver celle qui transforme les épinards de la science en force vitale, notre Popeye à nous. J'ai nommé Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec un point sur l'épidémie de Covid-19. Hier, l'Angleterre a lancé un essai clinique pour tester des mélanges de doses de vaccins différents. Oui, les chercheurs de l'université d'Oxford vont recruter 820 volontaires de plus de 50 ans qui n'ont pas encore été vaccinés. Les patients vont d'abord recevoir une première dose, soit celui d'AstraZeneca à base d'adénovirus, soit celui de Pfizer-BioNTech à base d'ARN messager. 4 à 12 semaines plus tard, un groupe recevra sa deuxième dose du vaccin initial, tandis qu'un autre groupe recevra sa deuxième dose, mais du vaccin différent. Alors, selon le communiqué de presse du gouvernement britannique, cet essai va comparer 8 configurations différentes. Si ce mélange de vaccins offre toujours une défense immunitaire forte, ils pourront être interchangeables, hein, cela signifie plus de flexibilité, et ce serait une réponse au problème de stock des laboratoires. Peut-être aussi que cette combinaison de vaccins pourrait offrir une meilleure protection contre le Covid-19. C'est ce que l'on a déjà observé avec les piqûres de rappel contre l'hépatite B, par exemple. La vaccination fonctionne mieux si ce sont deux vaccins différents qui sont utilisés. Les premiers résultats de cet essai clinique sont attendus pour la fin mai. En bref, selon une étude parue dans la revue Brain Simulation, une thérapie à base d'ultrasons pourrait sortir les cerveaux de leur état de coma. Une équipe américaine a suivi 3 personnes plongées dans ce qu'on appelle un état de conscience minimal. Pendant plusieurs séances, sur plusieurs semaines, les chercheurs ont utilisé la stimulation par ultrasons pour exciter les neurones du thalamus, une zone affaiblie par cet état. Grâce à ces ultrasons focalisés, 2 des patients ont montré la capacité de comprendre la parole et d'interagir avec leur interlocuteur. Puis, après avoir passé quelques mois sans traitement, leur état s'est ensuite dégradé. Il faudra attendre d'autres études à ce sujet, car les chercheurs soulignent eux-mêmes que cette recherche est encore dans une phase précoce et expérimentale. En bref, toujours, une étude parue dans la revue Current Biology a daté l'apparition du pouce agile et adroit du genre Homo. Une équipe allemande a comparé plusieurs variétés de fossiles d'espèces humaines. Elle a analysé l'évolution d'un muscle en particulier et d'une articulation de la main. Alors selon ces experts en biomécanique, le genre homo a développé ses pouces opposables il y a environ 2 millions d'années. Alors certes, il y a 2 millions d'années, les australopithèques utilisaient déjà des outils, mais leurs pouces à cette époque ressemblaient plus à ceux des chimpanzés qu'aux nôtres. Le genre homo, en développant des pouces adroits et une meilleure dextérité, a ensuite fabriqué des outils plus efficaces. Ce petit changement anatomique a donc donné un sérieux coup de pouce évolutif à Homo sapiens. Et on poursuit ce journal avec une étude parue dans la revue Nature. L'einsteinium a été mesuré pour la première fois. Oui, c'est l'un des éléments les plus insaisissables du tableau périodique. L'einsteinium s'y trouve à la 99e place. Avec ses 99 protons, c'est un élément très lourd, plus lourd que l'uranium. Il fait partie des transuraniens qui se trouvent tout au bord du tableau. Il a été découvert en 1952 dans les résidus de la première bombe à hydrogène. Ces isotopes sont tous extrêmement radioactifs. À cause de sa radioactivité, mais aussi de sa rareté, c'est un élément peu étudié. Sa synthèse est compliquée et il se désintègre très vite. Des chimistes américains viennent donc de synthétiser assez d'einsteinium pour mesurer ses propriétés. Avec des expériences de spectroscopie d'absorption des rayons X, les chercheurs sont parvenus à définir la longueur de liaison de l'einsteinium, c'est-à-dire la distance moyenne entre ses atomes lorsqu'ils sont liés chimiquement. Comprendre sa liaison, sa structure électronique et ses propriétés chimiques, cela permettra de mieux prédire ses interactions avec d'autres éléments. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, nous avons parlé du variant anglais du coronavirus qui continue de muter, de la mesure de la densité d'une très jeune exoplanète, des nouveaux vaccins contre le Covid de Novavax et de Johnson & Johnson, et de l'efficacité de celui de Pfizer-BioNTech contre les différents variants, mais également dans l'actualité des sciences, cette semaine, Natacha est en ultra bref. Dans le monde, Israël est l'un des pays qui vaccine le plus contre le Covid-19. Une grande enquête à partir des données de l'assurance maladie israélienne révèle que le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 92%. Sur 163 000 vaccinés, seules 31 personnes ont contracté le coronavirus une semaine après la seconde injection. C'est donc proche des 95% d'efficacité annoncée par le laboratoire à la suite de ses essais cliniques. Cette semaine, Elon Musk, le patron de SpaceX, a annoncé envoyer 4 touristes dans l'espace en 2021. La mission s'intitule Inspiration 4. Elle embarquera à bord de la fusée Falcon 9 le milliardaire Jared Isaacman, qui est à l'initiative de ce projet, et 3 autres personnes tirées au sort. Le vol durera de 2 à 4 jours pour plusieurs orbites autour de la Terre. Les candidats sélectionnés auront droit à un entraînement. Et enfin cette semaine, des chercheurs ont découvert que les mâles d'une espèce de papillon ont développé une arme chimique redoutable contre la concurrence, des phéromones anti-aphrodisiaques. Après l'accouplement, le Heliconius melpomen laisse sur la femelle de l'ocimène, une hormone repoussante qui fait fuir les autres mâles. Étonnamment, cette substance est aussi produite par les plantes, mais à l'inverse, lorsque l'ocimène émane d'une plante, elle a pour effet d'attirer les papillons. Et comme chaque vendredi, Natacha, on termine par la rubrique des sciences improbables. Aujourd'hui, on fouille dans les archives américaines de la Bibliothèque nationale de médecine. Dites-nous tout. Oui, il y a des pépites dans l'histoire de la médecine. On trouve notamment un livre du docteur Nicolas Sen, un chirurgien militaire de la fin du 19e siècle, très impliqué dans la recherche expérimentale. En 1888, ce docteur a imaginé une méthode pour localiser les blessures et les perforations intestinales. Oui, les rayons X n'existaient pas encore. Après des essais peu concluants sur des chiens, Sen a testé sur lui-même son procédé. Il a pompé, via son anus, 15 litres d'hydrogène gazeux pour gonfler le tractus intestinal comme un ballon. Alors il décrit cette méthode qui s'est avérée très désagréable, mais sans danger et infaillible. Elle a même sauvé des vies pendant la guerre de 1898. Mais heureusement, la technologie des rayons X s'est vite généralisée. Merci beaucoup Natacha. Je ne sais jamais si je dois vous remercier après cette rubrique des sciences sans problème, mais merci beaucoup en tout cas. On vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Journal des Sciences. Alors avant d'entamer notre table ronde d'actualité, je vais vous demander peut-être une brève réaction à l'un des sujets ou à plusieurs sujets de ce journal, Cécile Lestienne. Alors, pour très très rapidement, pour rebondir sur le dernier sujet de Natacha, voilà, je conseille aux auditeurs d'aller sur le site de Pour la Science pour retrouver un ancien article qui s'appelait « Du tabac pour réanimer les morts » et qui racontait comment au XVIIIe siècle, les savants recommandaient de réanimer les noyés en leur insufflant de la fumée de tabac par l'anus. L'insufflation, voilà. Alvin, on y avait consacré une émission, on avait même reçu l'auteur du livre voilà. Dans l'émission, c'était une émission passionnante d'histoire des sciences. Absolument, et donc c'est toujours temps d'y revenir. Sinon, bon, je reviendrai bien sur le pouce. Mmh. Voilà, c'est toujours fascinant, je trouve, dans tout le spectre des recherches autour de l'origine de l'homme, à quel point on cherche toujours qu'est-ce qui nous distingue de l'autre. On a accepté d'être des animaux, mais quand même, qu'est-ce qui nous distingue des autres ? Donc, voilà. Et je trouve que cette histoire sur le pouce, qui est déjà ressortie autrefois avec d'autres interprétations, parce que vous savez, le fait d'avoir cinq doigts, c'est plutôt un caractère ancestral. Hein. Les tétrapodes avaient cinq doigts, donc le sabot du cheval est quelque part plus évolué que notre main, mais bon. Mais je me dis que cette étude-là aurait fait très très très plaisir à Michel Serres, qui était donc un parrain de cette émission et qui avait écrit Petite Poucette. Oui, on pense à lui. Une réaction, Patrick Beau, peut-être à l'un des sujets ou à une brève ou à un de ces sujets du journal de Natacha Triou. Oui, par rapport à l'einsteinium. Donc, Natacha a expliqué que c'était un des éléments les plus rares du monde. Et donc, j'ai appris récemment que l'élément le plus rare du monde, c'est un élément hypothétique qui n'a jamais été observé, qui s'appelle l'astate. Et on estime qu'il y en aurait moins de 30 grammes donc dans toute la croûte terrestre. Et si on l'a jamais observé, c'est parce que si on en réunissait une quantité suffisante, elle se vaporiserait immédiatement à cause de sa radioactivité intense. Donc voilà, l'élément le plus rare sur la planète n'a jamais été réellement observé. La ruée vers ça, il y a peu de temps. La ruée vers l'astate, c'est la prochaine ruée vers l'or. En tout cas, 30 grammes, ça fait quand même assez peu compte tenu de la surface de la Terre. Je connais pas exactement la surface terrestre, mais ça fait quand même relativement peu. C'est clair. Philippe Pajot, une petite réaction à l'un des sujets de ce journal des sciences. Oui, ben moi j'ai été aussi attiré par l'einsteinium, qui est mais on est dans le domaine des noyaux super lourds que j'aime beaucoup et au-delà d'ailleurs de l'einsteinium, tous ces éléments très lourds qui sont synthétiques, hein, qui n'existent pas à l'état naturel, hein, et j'ai un petit faible pour le copernicium, hein, qui est l'élément 112, qui est encore sans doute plus rare que l'astate, puisque là il y en a que des microgrammes, et là je rappelle que l'einsteinium, on en a quand même fait 0,2 microgrammes quand même, ce qui est très peu, et pour les éléments au-delà de ces chiffres-là, donc c'est-à-dire les éléments 110, 112 jusqu'à 118, hein, l'élément le plus lourd qu'on a jamais réussi à synthétiser, c'est l'élément 118. Eh bien là, c'est même pas des nanogrammes, et on ne connaît pas encore du tout leurs propriétés. Donc c'est remarquable que on ait réussi à connaître celle de l'einsteinium. Donc finalement, les chimistes sont un petit peu des chasseurs de Pokémon rares, chacun son élément, il y a des éléments plus rares que d'autres, et voilà, bon, vous restez de grands enfants, c'est assez touchant. On va pouvoir commencer ce journal de science avec vous, Cécile Lestienne. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et on commence, je le disais, ce tour d'horizon des informations scientifiques avec vous, Cécile Lestienne, et vous nous parlez aujourd'hui de ce que les greffes de main nous apprennent du cerveau. L'article paru dans le numéro 2 pour la science de février est vraiment passionnant. Alors Cécile, on pourrait peut-être commencer par un petit rappel historique sur les greffes de main. Est-ce que vous pourriez nous dire quand a eu lieu la première greffe de main ? Bah, comme le raconte Scott Frey, qui est professeur de neurosciences à l'Université du Missouri, qui nous a fait cet article, c'est la première greffe de main remonte à 1964, ce qui est quand même très ancien. C'est un chirurgien équatorien qui a opéré un jeune marin de 28 ans qui avait perdu sa main droite dans l'explosion d'une grenade, et il lui a greffé la main d'un ouvrier qui était mort d'un ulcère de l'estomac. Et l'opération a duré très longtemps, on s'en doute, plus de 9 heures. Et ça, au début, on a cru que ça avait bien marché. En tout cas, ça s'est revascularisé, le sang est venu. Même le jeune marin a pu bouger un petit peu les doigts. Voilà. Mais ça a quand même mal tourné. Et au bout de 3 semaines, la gangrène est apparue. Il a dû être transporté aux États-Unis et on l'a réopéré. probablement, c'était lié aux immunosuppresseurs. Mmh. À l'époque, on n'avait pas toute la gamme des immunosuppresseurs que nous avons aujourd'hui, et donc ça n'a pas tenu. Et donc, du coup, le chirurgien équatorien avait été très, très, très critiqué parce qu'effectivement, ne pas avoir de main, ce n'est pas mortel. C'est pas comme ne plus avoir de cœur ou ne plus avoir de rein. Donc voilà. Et à l'époque, on n'avait fait que des greffes de rein et de cornée. Mmh. Voilà. La main, c'est le troisième organe à avoir été greffé. Voilà. Oui, et puis c'est un organe qui n'est pas un organe au sens justement le cœur ou le rein. C'est un morceau de corps qui est composé de peau, de tendons, de muscles et tout, donc il faut tout réimplanter. C'est pas une pièce noble, on va voilà. dire. Si, absolument, mais c'est une greffe plus complexe, en tout cas, à faire marcher. Donc, et c'est ce qu'on appelle une allogreffe, d'ailleurs, justement parce qu'il faut raccommoder tous ces petits bouts et il faut retrouver une certaine fonctionnalité. Et donc, en fait, on a dû attendre 30 ans, hein, plus de 30 ans, pour qu'il y ait une tentative d'une nouvelle greffe de main en France, cocorico quand même. Allez, on s'en souvient, le professeur Jean-Michel Dubernard qui avait réussi à greffer une main et que ça avait, l'opération avait fonctionné sur un Néo-Zélandais. Bon, ça n'avait pas très bien tourné non plus à cette époque-là, mais peut-être parce que le patient, finalement, n'avait pas accepté sa nouvelle main et l'avait fait enlever. Et, mais en revanche, dans les années 2000, le même professeur Dubernard avait greffé, fait une double greffe, hein, main et avant-bras, hein, un monsieur qui s'appelle Denis Châtelier, voilà, et qui, l'année dernière, c'était les 20 ans, donc il y a eu une petite fête pour les, dans le monde d'avant, c'était avant l'épidémie de Covid. Voilà. On pouvait encore faire des fêtes. Voilà, et où il avait encore ses deux mains et qu'il expliquait à quel point elles étaient devenues les siennes. Voilà. Alors là, on en arrive. Donc, on a voilà pour le petit tour d'horizon un peu historique autour de cette évolution des greffes de main. On en arrive à ce qui nous intéresse dans cet article, pour le numéro de Pour la Science de ce mois-ci, et notamment comment le cerveau interagit avec la main. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, peut-être comment on va commencer par la base. Comment est-ce que le cerveau planifie le mouvement? Parce que ça, c'est quelque chose de très très passionnant. Si je plie le doigt comme l'enfant dans Shining, par exemple, ce que je fais en ce moment, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce qui se passe du cerveau à la main? Ou comment on observe ce qui se passe, puisque c'est justement l'objet des études de Scott Frey. On étudie ça notamment avec l'IRM fonctionnel, dont on a dû certainement parler très très souvent ici, qui permet de voir quelles zones dans le cerveau s'activent quand vous faites un mouvement ou quand vous pensez à quelque chose ou quand voilà. Et donc si je veux bouger un des doigts de ma main droite, les auditeurs ne peuvent pas le mais voir, je vous mais vois. Je suppose qu'ils peuvent l'imaginer. Voilà, effectivement, mon cerveau, le cortex moteur gauche, si je bouge ma main droite, voilà, envoie des impulsions qui descendent tout au long jusqu'au nerf périphérique, voilà, et fait bouger le doigt, voilà. Et en retour, la stimulation des récepteurs de ma peau, de mon tendon, etc., font remonter aussi vers le cortex somato-sensoriel gauche, le fait que j'ai bien bougé et que j'ai touché une surface dure. Le tout en un espace bien plus court que le temps qu'il vous a fallu pour l'expliquer, évidemment, et heureusement, parce que sinon, on aurait une vie un petit peu ennuyeuse. Voilà. Et donc, toute la question avec la greffe de main, c'est comment le cerveau parvient à reconnecter cette main qui n'était pas la sienne, parce qu'évidemment, l'enjeu n'est pas uniquement esthétique, hein, pour les gens greffés. Ce qu'on cherche à voir, c'est des mains vraiment fonctionnelles, et la complexité du mouvement, de l'appréhension, de la manipulation nous demande qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, surtout que chez certains de ces greffés, les greffes ont eu lieu plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années après l'amputation. Parfois même 35 ans. Donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé dans le cortex à ce moment-là. Et donc avec l'IRM, c'est des choses qu'on peut voir. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ils voient que si on leur a greffé une main droite, voilà, c'est bien le cortex gauche, ça refonctionne de la même façon. Mais pas toujours exactement de la même façon. D'abord, peut-être que c'est lié au fait que le cerveau garde une certaine mémoire. Vous savez, les gens qui sont amputés, ils ont souvent l'illusion du membre fantôme. Oui. Voilà, quand il leur manque une main ou une jambe, ils ont l'impression de toujours l'avoir. Et c'est pas forcément très agréable, raconte-t-il, notamment parce que parfois c'est douloureux. Voilà. Et donc, peut-être parce que le cerveau garde justement la trace, voilà, que ça peut être réactivé. Je vous interromps juste une seconde, mais avec ce sentiment du membre fantôme, est-ce que quand les personnes amputées ont l'impression de ce membre fantôme, le cerveau est actif, la partie du cerveau. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, il est actif, mais comme votre cerveau est actif aussi quand vous pensez à bouger, déjà. Donc, ce réseau-là continue. Mais on sent bien quand même que le cerveau s'est réorganisé, parce que ce qui se passe, c'est que quand on leur demande de bouger leur nouvelle main, par exemple, ça s'active bien dans l'hémisphère du cerveau opposé, comme d'habitude, voilà. Mais ça s'active aussi dans l'autre hémisphère. Donc, on sent bien que, du coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une sorte de compensation. Ouais. Voilà. Et parfois aussi, les zones du cortex moteur se mettent enfin s'activent alors qu'ils bougent les lèvres. Les zones du cortex moteur pour bouger la main. Pour bouger les lèvres. Donc on voit que le cerveau se réorganise et réussit à reprendre le contrôle de la main. Alors c'est aussi dû à toutes les techniques de microchirurgie qu'on a mis en place aujourd'hui. Voilà, c'est faut imaginer que recoudre une main, ça travaille de couturière, de couturière très. C'est de la microchirurgie. Voilà, c'est de la microchirurgie, c'est très difficile. On peut peut-être d'ailleurs détailler un petit peu comment ça se passe. Et notamment une des choses absolument importantes, c'est de faire de reconnecter les fascicules, c'est des sortes de gaines qui sont pleines d'axones. L'axone, c'est les fibres nerveuses qui prolongent les neurones. C'est un peu comme vous avez des gaines en plastique avec des fils électriques. Ça ressemble à ça, beaucoup plus petit. Et donc le chirurgien s'attache à rattacher chaque fascicule du membre amputé aux fascicules correspondant au membre qu'on greffe. Mais est-ce que ça marche toujours? On ne sait pas, parce que finalement la gaine après joue le rôle de tuteur, si vous voulez, et les fibres nerveuses repoussent, alors que vous savez que si on vous coupe la moelle épinière, ça ne peut pas repousser, mais les nerfs périphériques, ça peut repousser. Ça repousse même à grande vitesse, ça peut repousser 2 mm par jour. 2 mm par jour, ce qui est quand même pas mal. Donc ça sert de tuteur, et ça arrive donc jusqu'au bout de la main dans le cas présent. Et ça va jusqu'au muscle, et ça forme des jonctions neuromusculaires, et ça produit aussi des récepteurs sensibles qui permettent de remonter les informations au cerveau de la même façon. Mais parfois, à cause de l'opération, ça marche pas si bien que ça, et le fascicule qui était autrefois relié, par exemple, à la base de votre pouce, puisqu'on était sur le pouce, est relié à l'endroit de votre paume. Voilà, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à un des greffés qu'ils ont étudié. Mais ce qui est fascinant de voir, c'est qu'au bout de quelque temps, le cerveau se réadapte. Et leur hypothèse, c'est que à force de contrôler le mouvement en regardant, le cerveau réinterprète ce qu'il y aurait autrefois interprété comme « je bouge mon pouce » par « j'ai quelque chose sur ma paume ». Et ça finit par marcher. Et on voit que ces gens, ces greffés, peuvent se servir de leurs mains presque comme des gens qui n'ont pas eu la main coupée. On voit vraiment l'aspect fascinant de cette plasticité cérébrale et de ce côté apprenant en permanence qu'a le cerveau et qui permet de corriger ces petites erreurs justement liées à la greffe. Vous parliez tout à l'heure de ce patient qui avait été greffé au début des années 2000. Alors comment les chercheurs continuent de travailler avec lui et comment les chercheurs continuent d'analyser un petit peu ses réactions et comment ils le suivent concrètement? Alors, celui qui a été greffé en 80. Voilà, oui. Celui dont je parlais, Denis Châtelier, c'est le patient français. J'avoue que je ne sais pas. Je parlais d'un autre patient américain qui, lui, est le plus vieux greffé de la main, parce que sa main a 21 ans, puisqu'il a été opéré en 99. Et on a continué à le suivre, comme ils suivent d'autres chercheurs et comme d'autres greffés, excusez-moi. Et une des dernières recherches s'est intéressé à une autre zone du cerveau qui est juste à côté du cortex moteur. Dans le cortex intrapariétal, ils ont étudié une zone qui est impliquée dans la forme que la main adopte pour saisir un objet. Voilà. Votre main va prendre la même forme si vous voulez saisir un stylo ou une bouteille ou un marteau. Et ça, c'est prédéterminé dans votre cerveau. Et ils se sont aperçus que ça s'améliorait toujours, puisqu'ils ont fait des mesures avec lui 26 mois et 41 mois après sa greffe, et ils ont vu que ça s'était nettement amélioré. D'abord que les mouvements s'étaient améliorés, évidemment, mais que la zone était bien mieux activée dans son cerveau. cerveau et qu'on ne voyait quasiment plus la différence avec des cathémons. En ces temps, Berne, ça fait du bien un petit peu de... En ces temps, terme, pardon, ça fait du bien d'avoir des nouvelles de nos super-pouvoirs. Dites-nous. Oui, absolument. Et puis en France, là, très récemment, au mois de janvier, toujours à Lyon, ils ont fait une greffe des deux bras et des épaules. Voilà, qui, pour l'instant, je crois... il faut attendre quelques mois, évidemment, pour voir si la greffe s'est correctement passée. Mais c'est beaucoup d'espoir, hein, pour... Bien sûr, ouais. Pour cette recherche en tout cas, et puis pour aussi cette compréhension de notre plasticité cérébrale et notre capacité à nous reconstituer, entre guillemets, ce qui est pas inutile en ce moment. Patrick Beau, Philippe Pajot, une réaction à ce sujet sur les greffes de main et sur cette plasticité cérébrale et cette capacité un petit peu des nerfs périphériques à se régénérer également. Patrick Beau. Ben c'est absolument fascinant les avancées qu'il peut y avoir en matière comme ça de greffe, c'est vraiment incroyable et on se demande ce que le futur nous réserve par rapport à tout ça. Est-ce que la réalité va dépasser la fiction? Voilà, j'ai quelques personnes dans mon entourage qui justement ont des amputations de divers membres et je me dis que voilà dans un futur relativement proche. Ça pourrait donc totalement changer leur vie, quoi. Donc oui, c'est plein d'espoir, ces nouvelles-là. Puis ça s'inscrit aussi dans d'autres types de recherches, alors cette fois un peu plus du côté de la technologie, avec des impressions de membres en 3D et des outils finalement, Cécile, qui permettent à des personnes qui ont été amputées de retrouver des capacités de préhension, ce genre de choses. Ah, bien sûr, hein, on sait qu'il y a beaucoup de recherches sur les prothèses qui ont fait énormément de progrès aujourd'hui, voilà, mais on peut comprendre quand même que pour certaines personnes, avoir des mains bioniques, c'est peut-être pas aussi agréable que d'avoir une main humaine. Philippe Pajot, une réaction à ce sujet proposé par Cécile Lestienne sur les greffes de mains? Oui, alors moi je suis toujours très très étonné, enfin, et admiratif de ce cerveau qui réussit à être plastique, même adulte. On a toujours cette idée que le cerveau, il y a une plasticité, évidemment, les circuits se réarrangent en fonction de ce qui se passe. Et on imagine que ça se passe mieux quand. Alors, ça se passe effectivement beaucoup mieux quand on est jeune, mais même le cerveau adulte arrive à recâbler ses circuits pour arriver justement à utiliser des changements qui peuvent servir très, très, très tard. Donc c'est une capacité du cerveau qui me fascine. Cécile Lestienne. Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, dans le numéro de février pour la science ou sur le site internet, voilà, nous avons fait un dossier autour de la plasticité. Donc il y a ce papier sur cette greffe de main dont je viens de vous parler, mais il y a aussi des recherches sur la plasticité cérébrale qu'on pourrait favoriser, améliorer pour lutter contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. Et de ce côté-là aussi, il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup de progrès à faire encore. Restez avec nous. Après la musique, on va prendre la route de l'espace à la recherche des origines de la vie. Et puis, si vous n'aimez pas les épinards, restez quand même, vous pourriez changer d'avis. Mon mec est un scientifique, il fait des choses fantastiques. Son truc, c'est pas très logique, il n'a pas l'esprit pratique. Mon mec est un chercheur, il cherche pendant des heures où l'huile d'olive est rangée pour faire cuire le lard fumé. Mon mec est un poète, des idées plein la tête. Moi, j'aime le lard fumé, surtout sous l'oreiller. Entre nous c'est magnétique, il me joue sa petite musique. Il invente des élastiques pour attraper les moustiques. Mon mec est un fouineur, il cherche pendant des heures sur quel bouton appuyer pour faire couler le café. Mon type est un poète, il cherche la petite bête. Moi j'aime le café, surtout sur l'oreiller. Entre nous c'est électrique, il joue des trucs très techniques. Il me dit, moi le Nobel, un jour je te l'aurai ma belle. Moi d'un coup je m'imagine avec ma robe et mes ballerines, préparer dans la cuisine un formidable tagine. Mon type est un crooner, il cherche pendant des heures le sextoy que j'ai caché dans la machine à laver. Entre nous c'est très tactile, il a des mains bien habiles. Quelquefois il s'aventure à l'arrière de la voiture. Mon homme est un chercheur, il cherche pendant des heures comment d'un geste sûr il peut enlever ses chaussures. Mon type est un poète, des idées plein la tête. Moi j'aime l'aventure à pied et sans chaussures. J'aimerais bien qu'un jour demain il me dise voilà mes deux mains, et d'un geste possédé délicat il tenterait l'inexplicable. raisonnable. Moi, je lui résisterai, désireuse et désirée, inavouable, insaisissable. Et d'un coup, je m'offrirai l'air de rien tout étirer. Je lui ferai le dron et dans son cou des ronrons. Mon mec est un chercheur, il cherche pendant des heures. Pourquoi ? Quand il sourit, je souris aussi. Mon mec est un poète, des idées plein la tête. Moi, je suis une poétesse, des idées plein les tresses. Il y a un truc qui veut pas me faire. Il dit ça, c'est tes affaires. Je sens les larmes qui me montent. Moi, de toute façon, j'ai jamais honte. Mon mec est très pudique, des idées scientifiques. Il a pour idée folle d'être un sacré bonhomme. Mon type est fantastique. Quelquefois, j'hésite à lui dire à quel point j'aime être entre ses mains. Mon mec est un scientifique par Julie Lagarrigue dans La méthode scientifique sur France Culture. Et on poursuit notre tour de table des actualités scientifiques avec vous, Philippe Pageot. On annonçait il y a quelques mois la découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et l'affaire n'en finit plus d'agiter la communauté scientifique puisqu'elle a connu un nouveau rebondissement ces derniers jours avec la contestation par deux études de cette découverte, de cette annonce. Avant d'en arriver à ce rebondissement, Philippe, on va peut-être faire un peu de cosmochimie et essayer de comprendre avec vous un sujet assez complexe, mais néanmoins passionnant, celui des origines de la vie. Alors on peut peut-être refaire un peu d'histoire et revenir à une date clé dans l'histoire de cette compréhension du vivant, l'année 1953. Que s'est-il passé cette année-là, Philippe Alors, Pageot ? Il y a eu deux choses très importantes cette année-là. Il y a eu Stanley Miller qui a fait des expériences, une expérience fondatrice qui consistait à mettre ensemble des molécules organiques, à apporter un peu d'énergie, et il s'est aperçu qu'il y avait des réactions chimiques complexes qui se produisaient avec d'autres molécules qui étaient formées, de molécules plus complexes. En fait, c'est lui qui a mis à la mode cette notion de soupe primordiale dans lesquelles aurait émergé la vie. Alors, et il ne s'est pas passé que ça en 53, puisque c'est aussi l'année où on a découvert l'ADN, hein, cette molécule, pour le coup, caractéristique du vivant. Une molécule complexe, hein, beaucoup plus complexe que les molécules que utilisait Miller. Et c'est donc ces deux événements, disons, ont marqué le début de ces travaux sur les origines. Sur le régime de la vie. Mmh. Est-ce que, alors, ces découvertes, elles sont fondatrices, majeures, elles permettent également la définition, la redéfinition ou l'affinement de la définition d'un organisme vivant. Philippe Pageot, est-ce que vous pourriez nous expliquer et nous rappeler les paramètres essentiels qui définissent ce qu'est un organisme vivant? Tout à fait. Alors, il y a une définition, une phrase classique, on dit la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. C'est ce que disait Bichat à la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, aujourd'hui, on a une vision un peu différente et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de continuum entre le vivant et l'inerte. On pourrait dire qu'il y a du plus ou moins vivant. Et selon les fonctions qu'on réussit, que les organismes en question réussissent plus ou moins bien. Donc ces fonctions, pour résumer, il y a régénérer ses propres constituants, hein, qui évidemment pour subsister, échanger de la matière et l'énergie avec son environnement. Et également se reproduire évidemment pour subsister également et évoluer ouais. éventuellement voilà, donc ça c'est une sorte de définition, mais une définition qui est un petit peu floue, parce que comme je disais, en fait ces fonctions il y a des organismes qui les réussissent plus ou moins bien, donc on peut dire qu'il y a des sortes d'organismes qui seraient plus ou moins vivants. Il y a un élément qui est essentiel dans ce fonctionnement d'un organisme vivant, sa naissance et son évolution, c'est le carbone. Ça joue un rôle clé. Alors, quel rôle ça joue et pourquoi le carbone est nécessaire, essentiel à tout organisme vivant? Alors, effectivement, l'élément chimique de base, c'est le carbone. Hein, la chimie organique, hein, ça veut dire la chimie du carbone. Alors, il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que d'abord, le seul exemple le vivant qu'on connaît, d'abord, c'est il est à base de carbone. Hein, ça, c'est clair. Et pourquoi ? Parce qu'il a des propriétés très, très particulières. Il peut être relié à des tas de former des molécules complexes, hein, par ses propriétés de tétravalence. Il peut se lier à plusieurs atomes et former des molécules extrêmement longues et extrêmement complexes. C'est pour ça que donc on pense que toute vie, bah, en tout cas pour ce qu'on en sait, toute vie est à base de carbone. Même si on peut imaginer on imagine parfois des biochimies un peu hypothétiques à base d'autres éléments, mais par exemple le silicium peut également se combiner avec d'autres éléments chimiques et former des molécules assez longues, mais pour l'heure seul le carbone est l'élément est considéré comme le constitutif de la vie. Voilà. Alors ça, c'est pour le socle. Il y a d'autres dénominateurs communs entre les organismes vivants. Qu'est-ce qui nous relie avec, par exemple, je vais prendre au pif une éponge, un navet, une perche soleil, vous et moi. Quels sont ces éléments et ces dénominateurs communs qui constituent le vivant ? Alors effectivement, alors là, c'est sans doute le dénominateur commun le plus classique que tout le monde connaît, hein, c'est l'ADN, mmh. que je mentionnais, qui a été également découvert en 1953. Cet ADN qui est fait avec cet ensemble de gènes et qui est une molécule chimique. Hein, donc toutes les molécules, tous les organismes de l'organisme unicellulaire le plus simple au plus complexe contient des cellules avec de l'ADN. C'est vraiment la base du vivant. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement de comprendre comment on peut passer de ces premiers molécules organiques, dont on sait qu'elles sont assez abondantes, à l'ADN ou à l'ARN, qui est également une molécule complexe, qui a également un acide nucléique assez complexe. Donc là, on comprend bien que tous les organismes vivants sont composés de ces molécules organiques plus ou moins complexes. L'enquête haletante autour des origines du vivant, elle passe par la recherche des premières traces de vie, microbiennes, notamment à la surface de la Terre. Pour faire ça, on peut facilement regarder sur Terre, sous nos pieds, dans les cailloux, dans les rochers, qui ont été composés il y a presque 4 milliards d'années. Mais on peut aussi, et c'est là que ça devient intéressant, regarder dans l'espace. On en arrive donc à la question à 1000 euros que se posent pas mal de scientifiques. Est-ce que la vie a existé ailleurs que sur notre planète? Et est-ce qu'on pourrait en trouver des traces sous forme fossile ailleurs dans l'espace? C'est une question à laquelle on n'a évidemment pas de réponse pour l'instant définitive. Mais j'aimerais comprendre avec vous et Philippe Ajot, où est-ce que les scientifiques tournent actuellement leur regard pour trouver une réponse à cette question? Alors, il y a plein d'endroits, en fait, dans l'espace où ils regardent. Il y a évidemment sur Mars, hein, qui ressemble à une sorte de terre fossile. Donc on se dit que s'il y a eu de la vie sur Mars aujourd'hui, elle serait fossile, puisque vous savez que Mars a eu de l'eau, hein, et on se pense que l'eau également est un des éléments nécessaires à la constitution du vivant, en tout cas au fait qu'il ait pu y avoir de la vie. On regarde également dans le milieu interstellaire, parce que dans le milieu interstellaire, comme je vous l'ai dit, on voit ces molécules organiques à base de carbone assez complexes. On voit des acides aminés, notamment. Et d'ailleurs, c'est une chose assez intéressante, c'est qu'on a longtemps pensé qu'il fallait beaucoup d'énergie pour fabriquer ces molécules complexes. Et on s'aperçoit récemment, là, c'est un papier de l'année dernière, que même avec peu d'énergie, en fait, si on attend suffisamment longtemps, on peut obtenir des molécules complexes. Alors, je vais prendre le cas du molécule de la glycine, qui est un acide aminé, qu'on trouve dans le milieu interstellaire, mais qu'on trouve également sur des comètes. Vous savez, ça a été la grande découverte de la comète Chury, là, par la sonde Rosetta. On a trouvé de la glycine. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est à quel point, justement, les réactions chimiques qui ont donné naissance à ces premiers organismes sont spécifiques. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser la matière la plus primordiale possible, celle qui était là, en fait, au tout début de la formation de la Terre, il y a plus de 4 milliards d'années. Je rappelle que les plus anciennes traces de vie sur la Terre, elles datent plutôt de 3 milliards d'années, 3 milliards et demi. Et la Terre s'est formée, le système solaire s'est formé il y a 4 milliards et demi d'années. Et donc, on aimerait bien savoir quelles étaient les conditions de cette époque-là. C'est pour ça que l'étude des comètes, je vous dis qu'on se tourne vers les comètes, hein, le jury, mais on se tourne également vers les astéroïdes. Et à ce titre, il y a en ce moment une recherche particulièrement passionnante qui est un retour d'échantillon d'une comète, d'un astéroïde qui s'appelle Ryugu. Et donc, la sonde Hayabusa 2. Hayabusa 2, exactement. Oui, à laquelle on avait consacré une émission, on va partager le lien tout de suite sur le fil Twitter. Je vous rends la parole, pardon. Oui, a fait un magnifique retour d'échantillon au mois de décembre, donc quelques grammes qui ont été prélevés sur l'astéroïde l'année dernière et qui ont été largués sur Terre dans le désert australien en décembre. Et actuellement, ces quelques grammes sont dans un laboratoire spécialement conçu à cet effet à Tokyo et vont être analysés. Donc ça, c'est quelque chose qui va durer déjà, il y a une première phase qui va durer 6 mois. Et l'idée, là, effectivement, c'est d'essayer de déterminer si ces molécules organiques des origines présentaient des caractéristiques du vivant. Alors, qu'est-ce que j'appelle une caractéristique du vivant? Par exemple, un essai de chiralité. Je rappelle que les acides aminés, par exemple, ont des caractéristiques, sont tous d'un même type chimique qu'on appelle gauche, alors que les sucres sont droits. Ça, dans le vivant, on remarque ça. Est-ce que cet excès de chiralité était déjà présent aux origines? Donc, c'est une question très importante. Et donc, cette étape d'analyse est sans doute fondamentale pour évaluer justement ces facteurs qui ont jalonné l'évolution qui mène vers le vivant. Autre endroit intéressant, vous me demandez les endroits à explorer, donc elle est lune glacée des satellites du système solaire. Donc ces lunes glacées, il y en a beaucoup, mais il y en a 4 qui sont particulièrement intéressantes. Et pourquoi elles sont je vais les citer. Donc c'est d'abord d'une part Titan, le plus gros satellite du système solaire, qui est le satellite de Saturne. Encelade, hein, qui est cette fois-ci une toute petite lune de Saturne, et puis 2 satellites de Jupiter, Ganymède et Europe. Et pourquoi ils sont intéressants? Parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau, peut-être de l'eau sans doute glacée, hein, puisque c'est un endroit où il fait froid, mais on pense tout de même que ces endroits sont propices à l'existence de molécules organiques complexes, voire du vivant. Donc il y a des missions qui sont envisagées justement pour essayer de révéler tenter de révéler une vie microscopique. Donc alors c'est pas pour tout de suite, hein, sur Titan, il y a un lancement de la sonde Dragonfly prévu en 2027, arrivé en 2034. Vous voyez, en gros c'est pour les années 2000, fin 2020-2030, on va aller explorer quasiment pas toutes, hein, en cela pour l'instant il y a pas de mission qui a été prévu, mais au moins une bonne partie de ces satellites, où on pensait naguère qu'il n'y avait aucune vie possible, et maintenant on se dit que sous ces océans glacés, il pourrait y avoir peut-être pas de la vie, on n'en sait rien, mais en tout cas, on y a détecté des molécules organiques, du méthane, du CO2, des choses comme ça, quoi. Alors là, vous nous parlez un petit peu de toutes ces molécules, ça contribue, on va dire, à la recette, à la tambouille idéale et au bouillon idéal pour que la vie existe. Mais il y a une question un petit peu naïve. C'est quoi la recette pour que la vie apparaisse? Et puis, qui, de la poule ou de l'œuf? Il y a toujours cette question qui est un petit peu en suspens. Je crois qu'il y a plusieurs hypothèses pour expliquer l'existence d'un organisme vivant. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ces hypothèses? Il y a un scénario, en très gros, il y a un scénario que j'ai déjà évoqué rapidement, mais que je vais pas redétailler. Et c'est vraiment en très gros, puisque à chaque étape de ce scénario, il y a plein de recherches qui ont cours. Donc on part, il faut une source d'énergie, hein, j'ai dit une source d'énergie, des réactions chimiques qui permettent de synthétiser des organismes, des molécules organiques simples. Alors ces molécules, c'est quoi? C'est des sucres, des acides aminés, les bases azotées, les bases de l'ADN par exemple. Ensuite, il y a une sorte de soupe primordiale. Toutes ces molécules se mélangent dans cette soupe primordiale. Où est-ce que ça se produit? Ça, on ne sait pas trop. Est-ce que ça peut être dans l'espace, dans le creux d'une roche sur la Terre primitive, dans une source hydrothermale? Et dans cette soupe primitive, c'est là qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe exactement, que ces molécules simples se transforment en fait par des réactions chimiques encore, biochimiques, en des macromolécules qui caractérisent le vivant. Donc les protéines, l'acide nucléique, l'ADN et l'ARN auquel je parle, dont je parlais tout à l'heure, et puis en même temps ou après, on ne sait pas bien, ces macromolécules, elles sont protégées, elles s'isolent, elles sont isolées par une membrane qui les individualise et qui donne les êtres vivants primordiaux. Voilà, en très gros trait, ce scénario pour lesquels chaque étape est source de recherche assez intense, et qu'on essaie de comprendre. Alors, on a fait pas mal de progrès, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à comprendre pour comprendre ces spécificités. C'est une recette de cuisine, en fait, qu'on a la grande idée de la recette, mais les détails techniques, la température, les proportions d'ingrédients, etc., ça, on les connaît pas du tout encore. Et c'est le bilan de ce projet, ouais. De ces recherches passionnantes. Ce qui est passionnant et fascinant dans cet article de la recherche aussi, c'est que finalement, on a une nouvelle perspective. Il y avait Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui disait deux possibilités existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux sont terrifiantes. Et là, il y a une troisième option, c'est qu'on serait entouré de fossiles, en fait, et qu'on serait entouré d'une vie qui s'est figée à un moment donné, il y a très longtemps. Et ça, je trouve ça proprement fascinant. Oui, là, en fait, référence effectivement dans ce dossier sur l'origine du vivant, il y a un article du paléontologue Jean-Sébastien Steyer qui parle de cette discipline un peu nouvelle qu'on appelle l'exopaléontologie, en se disant que peut-être y a-t-il eu de la vie quelque part dans l'univers, mais que si, peut-être que cette vie est tout simplement sous forme fossile. Et donc, du coup, il se pose la question, les paléontologues commencent à se poser la question très sérieusement de comment on pourrait. Enfin, si c'est pas une vie active, en quelque sorte, comment rechercher cette vie fossile? Alors là, on peut se baser sur ce qu'on fait sur Terre aussi, puisque les géologues, hein, la géologue Frances Vestal qui a aussi écrit un article dans ce dossier, qui explique qu'elle cherche les traces de vie fossile sur Terre, et en fait, il faut se poser un peu les mêmes questions pour essayer peut-être de rechercher des traces de vie fossile dans le système solaire ou plus loin. Ça, on n'en sait rien encore. Ça pourrait être sous forme de tapis. On sait que sur Terre, par exemple, il y a des tapis bactériens qui se forment sous forme grâce à un phénomène de silification, et il pourrait y avoir des sortes d'exostromatolites qu'on pourrait trouver sur des exoplanètes, mais on n'en est pas encore là. On en est quand même qu'à des spéculations, à des réflexions un petit peu prématuré. Mais ça nous permet en tout cas d'envisager un métier d'avenir, astronaute et paléontologue. Ça pourrait être un métier, voilà, dans 2100 ans. Peut-être qu'on pourrait être avec un pinceau sur une comète ou un astéroïde. Mais dans ce contexte de recherche, je reviens un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure sur Vénus et sur la découverte annoncée de phosphine dans l'atmosphère de cette planète, dans des quantités qui étaient si importantes que la seule explication possible, c'était qu'il y ait a priori présence de micro-organismes dans la haute atmosphère de la planète. Cette découverte et cette annonce, elle a été récemment contestée. Philippe Pajot, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi on commence à faire machine arrière? Alors, il y a eu plusieurs choses, effectivement. C'est que d'abord, on était très étonnés de voir de la phosphine dans Vénus, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle une biosignature. Hein, c'est une trace chimique dont la seule explication plausible, c'est un processus qui met en jeu une forme de vie. Donc voilà. Et la détection elle-même était extrêmement ténue. Hein, c'était basé sur une raie d'absorption très précise avec une mesure très très difficile. Donc il y a eu beaucoup dès que ça a été publié, il y a eu beaucoup de spéculations. Les auteurs eux-mêmes ont reconnu qu'il y avait un problème de calibration de leurs instruments. Et là, très récemment, il y a eu un papier qui attribue cette raie d'absorption en fait à quelque chose qui n'est pas du tout mesure nature, qui est du dioxyde de soufre qui est abondant dans l'atmosphère de Vénus. Ce qui montre qu'il faut faire très attention avec ces histoires de biosignature, parce que ça revient très très régulièrement dans les médias. Hein. Il y avait une histoire de la météorite martienne il y a quelques années dont on pensait qu'elle avait une origine vivante. C'est des choses qui sont extrêmement délicates. D'ailleurs, même sur la Terre, lorsque vous cherchez des biosignatures sur la Terre, c'est un travail d'enquête extrêmement délicat et extrêmement méticuleux pour essayer d'avoir la preuve, d'être bien sûr que ce qu'on a trouvé, qui est fossilisé hein, pour le coup, a bien une origine biotique. Cécile Lestienne, une réaction à ce sujet passionnant de la recherche sur ces fossiles dans l'espace? Rien d'autre que le fait que je suis toujours fascinée que notre cerveau plastique justement soit capable de faire toutes ces recherches qui nous permettent de remonter à la fois aussi loin dans le temps et de se projeter aussi loin dans l'espace. Voilà, donc et qu'on a à la fois la recherche avance depuis la soupe primitive de Miller 53, on a quand même découvert beaucoup de choses et puis on n'a toujours pas fini. Donc, jusqu'à la redéfinition du vivant. Et puis au moins l'hypothèse du fait qu'il y ait juste des fossiles dans l'espace finalement n'est pas terrifiante, ne trouvez-vous pas, Antoine? Non, moi je trouve ça plutôt rassurant. Voilà. Patrick Beau, une réaction à ce sujet? Oui, ben d'ici 2025, il me semble, l'ELT, le plus grand télescope du monde, devrait commencer son activité dans le désert d'Atacama au Chili. Et j'avais rencontré les chercheurs de cet observatoire pour un documentaire il y a 2 ans de ça, ils m'avaient dit que... Il m'avait dit qu'ils avaient beaucoup d'espoir justement par rapport à la détection de biosignatures grâce à ce télescope absolument démesuré. Et donc je me demandais ce que Philippe pensait de ça. Est-ce que lui aussi place des espoirs dans les futures observations de l'ELT? Bien sûr, l'ELT, mais aussi le James Webb Space Telescope, surtout qui devrait arriver un petit peu avant. Enfin, s'ils arrivent à leur, on croise les doigts en orbite, hein, puisque c'est le fameux successeur de Hubble qui a été retardé, et que qui devrait partir l'année prochaine. On croise les doigts. Et là, effectivement, ce sont des instruments qui permettent notamment, alors pour ce qui est des exoplanètes, de repérer effectivement, d'analyser assez finement les éléments constitutifs de ces atmosphères d'exoplanètes, peut-être pas des biosignatures, mais en tout cas de l'eau, des choses comme ça ils peuvent la trouver. Hubble a déjà trouvé de l'eau dans des atmosphères d'exoplanètes, donc on peut espérer que on aille beaucoup plus loin avec le James Webb Space Telescope JWST et le LT également, et tous ces gros instruments qui sont en construction. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et on en arrive au dernier sujet de cette table ronde d'actualité avec vous, Patrick Beau, et des recherches de plus en plus actives autour des nanobiotiques, qui consistent à donner de nouvelles capacités aux plantes, des capacités parfois étonnantes, qui vont nous faire changer de regard sur les épinards, Patrick. Alors, d'où vient cette idée de doter les plantes de super-pouvoirs, au point d'en faire des cyborgs végétaux? Alors je sais que quand vous me proposez d'intervenir dans cette émission, c'est parce que je traite les sujets de fond en général. Donc quand j'ai lu que des chercheurs du MIT avaient appris à des épinards à envoyer des emails, je me suis dit que j'étais obligé de vous en parler. Vous avez bien Alors fait. C'est une avancée, donc on en parlait hors antenne, c'est une avancée qui est beaucoup moins anecdotique qu'il y paraît, puisqu'elle pourrait conduire les plantes à nous avertir des dégâts du réchauffement climatique, entre autres, tout simplement parce que les plantes, comme vous le savez, sont extrêmement sensibles à leur environnement, et grâce à leurs racines, elles peuvent détecter d'infimes modifications chimiques dans le sol. Et si ces perceptions végétales étaient captées par les humains, elles pourraient nous indiquer la présence de pollution, de sécheresse à venir, et même de mines antipersonnelles. Donc, comme vous voyez, c'est des travaux qui pourraient avoir des retombées positives dans de nombreux domaines, allant de l'écologie à l'agriculture, en passant par l'humanitaire. Donc, tout à coup, on se rend compte que c'est pas si anecdotique que ça. Et il se trouve donc qu'une équipe de chercheurs du MIT, menée par le professeur Michael Strano, est parvenue à décoder ces fameux signaux organiques. Et pour être plus précise, on réussit à transformer des épinards en détecteurs d'explosifs. Et en plus, ils se sont débrouillés pour que les épinards en question envoient leurs résultats par email. Alors, je vous coupe. Les épinards n'ont pas tapoté sur un clavier pour envoyer un petit mail en bougeant la souris. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, parce que c'est vraiment pas aussi simple que ça. Absolument. Donc voilà comment ça marche. Donc quand les épinards détectent la présence de composés nitro-aromatiques, donc c'est des composés qu'on trouve souvent dans les explosifs, des nanotubes de carbone qui ont été implantés dans les épinards par les scientifiques se mettent à émettre un signal fluorescent. Ce signal est lu par une caméra infrarouge qui est connectée à un ordinateur, et là, un mail est envoyé aux chercheurs pour les prévenir. Donc très concrètement, ils reçoivent des mails de la part des épinards pour les prévenir que quelque chose a été détecté. Et donc pour le professeur Strano qui mène l'étude, ces travaux montrent que la barrière de la communication entre les plantes et les humains a été franchie. Et comme vous le disiez, c'est une avancée qui s'inscrit dans un nouveau champ de recherche initié par le MIT, qu'on appelle la nanobionique végétale. Alors là, c'est intéressant parce que les épinards peuvent être donc du coup les futurs lanceurs d'alerte. les épinards ont plein de casquettes, ils pourraient aussi avoir un rôle dans l'amélioration des piles. Est-ce que vous pourriez m'en dire deux mots? Ben oui, oui. Alors donc, en fait, les épinards ont plein de qualités. Hein. Et bon, déjà, ils sont très riches en fer et en azote. Et pour les chercheurs, donc, ils permettraient d'obtenir des catalyseurs de batterie supérieurs aux catalyseurs classiques, donc qui fonctionnent aux platines actuellement. Donc, pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont broyé les épinards jusqu'à obtenir une fine poudre de nanofibres organiques, et ils ont découvert qu'ils pouvaient s'en servir donc de catalyseur. Et ce catalyseur végétal peut être utilisé notamment dans les piles à hydrogène et dans les batteries métal-air, qui sont actuellement une des alternatives les plus prometteuses aux batteries au lithium qu'on trouve par exemple dans nos téléphones portables. Quoi. Là où il y a des épinards, il y a donc de l'espoir, mais on peut aussi le dire avec des fleurs et même des roses, Patrick, puisque vous nous parlez de roses rechargeables. Alors là, le champ s'ouvre encore plus. De roses rechargeables. Alors, moi, j'étais plutôt parti sur les plantes qui émettent de la lumière. Donc voilà, parce que le cresson lumineux, peut-être. Ah, le cresson lumineux, absolument. Oui. Ça me semble particulièrement spectaculaire, parce que effectivement, là, les épinards qui envoient des emails, c'est pas c'est pas la première avancée étonnante dans le domaine de la nanobionique végétale. Et donc la première démonstration de cette discipline remonte à 2014, et donc à l'époque, le professeur Strano, toujours lui, et le biologiste Juan Pablo Giraldo avaient amélioré les capacités de photosynthèse d'une plante en y intégrant des nanoparticules. Bon, normalement, les plantes exploitent environ 10% de la lumière du soleil, mais en incorporant des nanotubes de carbone dans les cellules de la plante, celle-ci pouvait capturer des ondes lumineuses au-delà de sa portée habituelle, comme les ultraviolets et les infrarouges. Et avec cette prothèse nanotechnologique, donc, l'activité photosynthétique de la plante était 49% plus élevé que la normale. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Effectivement, on a des plantes cyborgs qui sont plus performantes que les plantes classiques. Et en 2017, donc c'est là que j'en arrive à mon histoire de lumière, en 2017, il y a eu une autre avancée donc assez remarquable, puisqu'en implantant des nanoparticules dans des feuilles de cresson, comme vous le disiez, l'équipe du professeur Strano est parvenue à produire de la bioluminescence pendant environ 4 heures, et là, l'objectif de ces travaux, c'est de pouvoir un jour utiliser les plantes comme des sources de lumière naturelle, suffisamment puissantes pour éclairer une pièce ou même la rue, quoi. Des immeubles, voilà. Donc ça prendrait le relais finalement de cette bonne vieille électricité. Vous parliez tout à l'heure donc de ces plantes super photosynthétiques, des fleurs. Donc l'espèce en question, je crois que c'est l'arabette des dames. Ça, techniquement et concrètement, quelle application ça pourrait avoir et en quoi rendre une plante plus photosynthétique, c'est intéressant? Ben en fait, dans le cadre de cette expérience par rapport à la photosynthèse, il n'y avait pas vraiment d'application concrète en ce qui concerne notre quotidien. C'était plutôt des expériences qui étaient menées pour voir si on pouvait augmenter comme ça artificiellement les plantes. Mais dans le cas de la lumière, donc la méthode consistait dans, je précise juste que pour réussir à faire de la lumière avec du cresson, la méthode, c'était d'utiliser de la luciférase, donc qui est l'enzyme qu'on trouve dans les lucioles, par exemple. C'est ce qui permet aux lucioles de briller. Et l'idée, c'était d'intégrer cette enzyme avec des nanoparticules dans la plante. Et dans le futur, les chercheurs voudraient développer un spray, donc ça c'est assez irréel, une sorte de spray qui pourrait être diffusé directement sur les plantes, et donc ça intégrerait ces nanoparticules sur les feuilles, et ça pourrait transformer n'importe quelle plante en source lumineuse. Donc si demain, par exemple, les arbres remplaçaient les réverbères, on imagine les économies d'énergie colossales que ça pourrait représenter. On vivrait dans un pays d'elfes, ce serait pas mal, ce serait assez poétique. Hein. Cécile Lestienne, une réaction à ces propositions un petit peu de végétaux cyborgs que nous apporte sur un plateau Patrick Beau. C'est formidable, je pense que ça va inspirer beaucoup, beaucoup d'auteurs de science-fiction immédiatement, je pense. Voilà, je me disais, est-ce que ces cressons fluorescent pouvait accompagner le lapin fluorescent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce lapin devenu, qui avait été créé d'ailleurs vert fluo au début des études sur les animaux transgéniques. Voilà, mais pas d'autre chose à dire. Sinon que oui, c'est fascinant et que Et qu'heureusement, ça nous fait sortir du Covid, c'est pas mal. Et on peut compter sur, finalement, les plantes pour nous soutenir. Et on envisage peut-être de nouvelles formes de collaboration avec la nature. Ça va être très intéressant. Philippe Pageot, une réaction à ce sujet de Patrick Beau? Ça me fait rêver aussi. C'est vrai que c'est voilà, l'homme bionique aux plantes bioniques. On pourrait même, on parlait de transfection, imaginer greffer des plantes bioniques à des humains bioniques, et ça ferait des, voilà, des entités bioniques, des hybrides, hybrides demain. Moi, ça me fascine. Je ne connaissais pas du tout cette recherche. C'est très très très très sympa. On clôt cette table ronde qui touche déjà à sa fin avec un petit tour d'horizon de vos couvertures respectives. Cécile Lestienne en couverture de Pour la Science ce mois-ci. Eh bien, les pouvoirs de régénération du cerveau. Philippe Pageot, en couverture de la recherche. Donc, les origines du vivant, donc gros dossier sur les origines du vivant. Et Patrick Beau, à suivre. Moi, j'ai pas spécifiquement de sujets scientifiques là dans les cartons, mais je suis en train de travailler sur un nouveau livre sur les curiosités de la France. Donc voilà, on verra ça avec pour le moment. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique. Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou, Eve Etienne, Alexandre Morales, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui YouTube Diego Hack Lopez. Vous retrouverez Nicolas Martin dès lundi avec une émission consacrée au stress et à ses conséquences sur notre santé. Mardi, il sera question d'une notion clé en cosmologie, le mur de Planck. Mercredi, on s'interrogera sur l'avenir de l'énergie solaire. Jeudi, on parlera des découvertes récentes concernant les dinosaures. Et vendredi, émission spéciale SF et santé à l'occasion de la parution de l'ouvrage Sauf qui peut, demain la santé, aux éditions de La Volte. D'ici là, restez curieux et on se retrouve lundi.